Vif argent de Paul Sonnière. Chapitre 1er. Chaussé de bas de soie gris perle et de souliers cirés à l'œuf, orné de boucles d'or unies, culotté de velours bleu, enveloppé d'une robe de chambre en satin nacara, doublée de soie blanche, qui laissait apercevoir le jabot de riche dentelle dont la chemise de fine batiste était garnie, nonchalamment allongé dans un fauteuil moelleux, les jambes croisées, les yeux en l'air, la tête renversée, un jeune homme de 25 ans environ songeait. Il paraissait profondément triste. Même lorsque, s'arrachant avec effort à sa rêverie, il promenait son regard ennuyé sur les superfluités coûteuses qui encombraient le petit boudoir au milieu duquel il était étendu. Évidemment, il avait commencé sa toilette, il se préparait à sortir, quand les idées sombres auxquelles il avait cédé l'avaient envahi et cloué là, dans ce fauteuil sous les coussins duquel il s'oubliait. Quelle pensée mélancolique pouvait assaillir ce jeune homme? Tout ne semblait-il pas lui sourire? Il avait 25 ans, il était beau, bien fait de sa personne, doué d'une souveraine élégance, riche assurément, en jugé par le luxe qui l'environnait. Il vivait en outre à une époque où les plaisirs faciles le sollicitaient de toutes parts. Avec sa fortune et sa beauté, il ne devait certainement pas rencontrer beaucoup de cruels, car en 1723, sous la régence de Philippe d'Orléans, la cour ne se piquait pas d'une austérité faite pour décourager les entreprises les plus téméraires. Pourtant, le pli farouche qui creusait le front de ce jeune rêveur accusait des préoccupations profondes et dénotait une lassitude voisine du découragement. Et, quoi qu'il tentât pour se soustraire à l'obsession qui le hantait, il demeurait immobile, le regard perdu dans le vide, tandis que sa main crispée tourmentait convulsivement les glands inoffensifs de la cordelière qui dessinait la cambrure de sa taille élancée. Il n'était d'ailleurs guère plus de 10 heures du matin, et rien sans doute ne le pressait d'achever sa toilette, bien qu'un gai soleil de juin pénétrât dans le boudoir, à travers les rideaux de damas, dont les plis lourds et soyeux encadraient les larges fenêtres. Tout à coup, il se redressa. On venait de frapper vivement, et avant même qu'il eût le temps de répondre, la porte s'ouvrait pour livrer passage à un jeune homme, plus âgé que lui d'1 ou 2 ans peut-être, vêtu d'un brillant uniforme de cornette aux cheveux légers du roi, lequel, le visage souriant, sans attendre qu'il eût été invité, demanda gaiement « Peut-on entrer ?»« Julien !» s'écria le beau rêveur en bondissant devant de lui, les mains tendues. « Ah, je le crois bien que tu peux entrer. Je commençais à désespérer de toi. »« Ça, mon ami Jean, c'est fort mal. Je ne t'ai pas encore donné le droit d'accuser mon amitié. »« C'est vrai. » Mais alors pourquoi ne t'ai-je pas vu depuis 15 grands jours? D'abord parce que j'étais de service toute la semaine dernière à Versailles. Tu le sais fort bien, répondit le jeune officier. Ensuite, parce que ma mère était indisposée et qu'il m'a fallu lui tenir compagnie. Enfin, il s'arrêta subitement et son visage se rembrunit. Enfin, demanda Jean qui se rapproche avec intérêt. Enfin, parce qu'il se passe chez certaines personnes de mes amis des choses qui ne laissent pas que de me causer d'assez vives inquiétudes, acheva Julien d'une voix assombrie. Et cette personne est une femme, je gage, naturellement. Que tu aimes. Que j'adore, mon cher. Et qui t'adore aussi, fit Jean d'un ton ironique. Je le crois, dit gravement le jeune officier. Eh bien, voyons, reprit Jean, de quoi s'agit-il? Est-ce de quelque beauté fragile dont les coquetteries alarment ton amour-propre? Non, mon ami. Les beautés dont tu parles n'ont jamais le don d'exciter en moi le moindre sentiment de jalousie. Diable ! C'est donc d'un amour sérieux qu'il est question. D'un amour qui ne finira qu'avec ma vie, répondit Julien avec feu. Morbleu ! C'est encore plus dangereux que je ne pensais alors. Mais si tu es aimé, comme tu le prétends, quelles inquiétudes peux-tu concevoir ? As-tu donc un rival ? J'en ai peur, dit le jeune officier d'une voix étouffée. Peur, toi, mais je ne te reconnais plus, ventre bleu. Ne peux-tu fournir à cet intrus un de ces jolis coups d'épée que nous avons appris ensemble? Non, je n'ai même pas cette ressource-là. Comment? Est-il donc si haut placé que ta vengeance ne puisse pas l'atteindre? Précisément, mon pauvre Jean. Et le nom de ce personnage m'est-il permis de le demander? Je n'y vois aucun inconvénient. C'est le cardinal Dubois, répondit Julien, en hochant soucieusement la tête. « Qui, Dubois ? Ce faux abbé mitré et crossé par surprise, qui a acheté sa robe de cardinal au prix des plus monstrueuses complaisances, et c'est de ce drôle que tu as peur ? Eh, mon cher, il est Premier ministre. Mais il a 66 ans, ton Dubois, fit observer Jean. Oui, mais il peut, d'un trait de plume, me jeter à la Bastille. C'est vrai, fit Jean, en se grattant l'oreille. Mais voyons, reprit-il, ne t'exagères-tu pas le danger? Ne peux-tu pas me conter cette histoire? Si tu as un cardinal contre toi, mon père n'a-t-il pas aussi un cardinal dans sa manche, et mon père ne fera-t-il pas tout ce que je lui demanderai? Sans doute. Mais le cardinal Fleury n'est pas Premier ministre, lui, objecta Julien. Pas encore. Pourtant, tu m'accorderas bien qu'il peut nous être de quelque utilité. Assurément. Et alors? Au fait, dit résolument le jeune cornette, tu as raison, tu sauras tout. Tu es d'ailleurs un homme d'esprit et d'action. On ne t'a pas surnommé pour rien, vif argent, et tu es fort capable de me donner un bon conseil. Écoute donc. À ces mots, Julien prit une chaise, qu'il enfourcha comme un cheval, et se plaça bien en face de Jean, comme pour mieux lire sur son visage les impressions qui s'y reflèteraient. « Tu connais la baronne de Coissy ? » demanda-t-il. « De nom seulement, » répondit Jean, « car je ne l'ai même pas vue à la cour, au temps où j'étais, comme toi, page de sa majesté. Je sais qu'elle est de tes meilleurs amis, voilà tout. Amie très intime de ma famille, de ma mère et de moi-même, tu l'as dit. Je suis presque chez elle l'enfant de la maison, de sorte que je n'ignore rien de ce qui s'y passe. Eh bien, que s'y passe-t-il ? Tu le saurais également, sans doute, mon cher Jean, si tu avais voulu que je te présentasse à la baronne, ainsi que je te l'ai proposé tant de fois. Est-ce pour que je t'en remercie une fois de plus que tu me dis cela ? Non ! C'est parce que je ne comprends pas l'obstination avec laquelle tu refuses de te faire valoir dans le monde, répondit l'officier. Alors c'est que tu y mets de la mauvaise volonté, mon cher Julien. Je t'ai donné 100 fois le motif de mes refus. Oh, je m'en souviens, sois tranquille. Mais je t'ai répété 100 fois que ce motif était absurde et que je ne l'admettais pas de la part d'un homme tel que toi. Et moi, répliqua Jean, je trouve que c'est la raison même qui me dicte cette prudente réserve. Qu'irait faire chez la baronne de Coissy, et chez tant d'autres grands seigneurs, le petit Jean Michaud, surnommé Vif Argent par les pages de sa majesté, qui rougissait de l'appeler par son nom véritable? Et qu'importe? As-tu, oui ou non, reçu une éducation de gentilhomme? N'en as-tu pas la distinction, les élégances raffinées? N'es-tu pas allé payer au pistolet un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur tireur de notre génération? N'es-tu pas riche à ne savoir que faire de ton argent? Je t'accorde tout cela, mon cher Julien, mais je n'en suis pas moins le fils de Jacques Michaud, si devant tailleur de la cour, et c'est cela que l'on n'oubliera jamais. Maintenant, puisque tu me pousses à bout, je ne soutiendrai pas que cette réserve soit de mon goût. Au contraire, je me sens des désirs et des appétits qui jurent avec ma condition. Je me surprends parfois à rougir de mon origine, à regretter cette éducation que j'ai reçue, ce milieu dans lequel on m'a fait vivre jusqu'à ce jour. C'est dans ces stupides dispositions d'esprit que tu m'as surpris quand tu es entré. Pourquoi, m'assaille-t-elle, nuit et jour? Pourquoi cette sourde révolte contre un état de choses auquel je ne pourrais jamais rien changer? N'est-ce pas témoigner d'une odieuse ingratitude envers mon pauvre père, dont l'affection aveugle a voulu faire de moi quelque chose comme un phénix? Hélas! En travaillant à cette œuvre maudite, le brave homme pouvait-il supposer que tant de généreux efforts n'aboutiraient qu'à faire naître en moi des ambitions stériles, des aspirations irréalisables? Non. Il ne songeait qu'à m'élever au-dessus de l'humble condition dans laquelle la naissance m'avait placé. Aussi, je me reproche comme une infamie ces rébellions involontaires, et je tente l'impossible pour leur imposer silence. C'est afin de ne pas leur donner libre carrière que je vis à l'écart seul ou presque seul, n'ayant pour toute consolation, mon cher Julien, que ta vaillante amitié, la seule qui ait eu le courage de braver mon obscurité, et de survivre à celle dont les anciens camarades me faisaient l'aumône autrefois. » En disant ces mots avec une émotion sincère, Jean tendit la main à Julien, qui la serra dans les siennes avec effusion. « Diable de bonhomme !» s'écria le jeune cornette. « Même quand je trouve que tu as tort, je serai donc obligé de te donner raison. Allons, soit. Je ne te présenterai pas chez la baronne. Pourtant, je te l'ai dit, j'ai besoin de tes conseils. Peut-être même aurais-je besoin de toi. » Oh, quant à cela, ne te gêne pas. Corps et âme, tu sais bien que je suis à ta disposition. C'est pour cela que je suis venu. À la bonne heure, donc, je t'écoute. T'ai-je dit que la baronne n'avait 2 filles ? Demanda brusquement Julien. Il me le semble bien. Dans tous les cas, tu le sais à présent, fit Julien. Or, je suis éperdument amoureux de Valentine, l'aînée de ces jeunes filles, une brune adorable, âgée de 19 à 20 ans. « Bravo. Et tu lui as fait l'aveu de ton amour ?» demanda Jean. « Non, pas ouvertement. Mais nous avons échangé des regards, des serments de main furtifs. De mieux en mieux, alors pourquoi ne t'es-tu pas déclaré ?»« À cause de René. » « Qu'est-ce que c'est, René ?»« La sœur cadette de Valentine, une petite fine mouche, espiègle et futée, qui ne la quitte pas plus que son ombre, qui est toujours là, prête à tout voir, à tout entendre. » « Ainsi, tu ne t'es jamais trouvé seul avec ta bien-aimée ?»« Pas une fois. » »« Sans cela, j'aurais pris mon courage à deux mains, et j'aurais risqué ma déclaration avant d'adresser ma demande à la baronne. »« Ah, c'est juste, » dit Jean. « Nous avons encore la mère. » »« Ne s'est-elle aperçue de rien ?»« Je n'en jurerai pas, » répondit le jeune officier. « Mais il est certain, si elle se doute de quelque chose, qu'elle ne voit pas mes assiduités d'un mauvais œil. »« Alors, de quoi te plains-tu ? Il me semble que cela va tout seul. » Aussi n'étais-je pas loin de me considérer comme le plus heureux des hommes, lorsque, il y a 15 jours, Madame de Coissy, dans la louable intention d'intercéder en faveur d'un de ses protégés, est allée trouver le régent, accompagné de Valentine. « Ah ah !» toussa Biffargent, dont le front se rembrunit. Philippe d'Orléans, continua Julien, fit très bon accueil à la baronne et lui demanda qui était cette jolie personne qui l'accompagnait. « L'aînée de mes filles, » répondit-elle. « Comment ? « Vous avez d'aussi jolies filles que cela, et nous ne les avons jamais vues à la cour, » s'écria le régent. « Il est fort mal à vous, madame, de nous cacher de pareils trésors. » La baronne s'excusa de son mieux. Depuis la mort de son mari, elle avait vécu dans une retraite presque absolue, consacrant tout son temps à l'éducation de ses deux enfants. « C'est fort beau, madame, » lui dit Philippe, « mais il faut nous promettre d'être désormais moins avares de votre temps et de nous présenter ces aimables personnes. » Madame de Coissy s'inclina cérémonieusement et exposa sa requête au régent qui la renvoya du bois en l'assurant qu'il serait fait droit à sa demande. Sur le champ, elle se rendit chez le cardinal. Celui-ci, en apercevant Valentine, adressa à la baronne les mêmes questions que son maître et renchérit encore sur les éloges que Philippe d'Orléans avait prodigués à la jeune fille. Non seulement il s'engagea envers Madame de Coissy à lui accorder la faveur qu'elle sollicitait, mais il promit d'aller l'informer lui-même du résultat de sa démarche. 3 jours après, en effet, il vint rendre visite à la baronne et lui annonça que son protégé avait reçu l'avancement qu'il ambitionnait. Puis, voyant qu'elle était seule, il la pria de vouloir bien lui présenter ses deux filles. Madame de Coissy ne pouvait décemment pas s'y refuser. Un peu à contre-cœur, elle fit venir Valentine et René. À peine le cardinal daigna-t-il jeter les yeux sur la cadette, mais en revanche, il combla Valentine de compliments, fit de sa beauté un panégyrique pompeux, si bien que la pauvre enfant ne savait plus quelle contenance garder devant les démonstrations par trop vives dont elle était l'objet. Le cardinal revint le lendemain, les jours suivants, exagérant sans cesse ses louanges, se familiarisant avec Valentine au point que la baronne, connaissant la détestable réputation de ce personnage, en conçut d'assez vives alarmes pour me les communiquer et m'annoncer que si cela continuait, elle serait obligée de quitter Paris. « En effet, » confessa Jean, « ce serait le plus sage s'il y avait un danger réel. Mais ce danger, je ne le vois pas. Que craint-elle et que crains-tu ? Le cardinal ne peut pas demander Valentine en mariage. Sans doute, mais il peut la compromettre. Pire que cela, peut-être, l'enlever, la perdre. Allons donc, il n'oserait pas. Ah ! » dit le jeune cornette avec un gros soupir. « Comme on voit bien qu'il ne s'agit pas de celle que tu aimes et que tu es heureux, toi, de ne pas aimer. »« Qu'en sais-tu ? » répliqua Jean. « Qui t'a dit que je n'aimais pas ? Toi, tu ne m'en as jamais parlé. Est-ce une raison ? Non, mais alors c'est donc vrai, tu aimes quelqu'un ? Quelqu'un, c'est beaucoup dire. Tout au plus, suis-je amoureux d'un souvenir ?» Julien eut à la fois un geste de doute et d'étonnement. « Ah ça ! » fit-il en croisant les bras. « Parles-tu sérieusement ? Ou ne veux-tu que détourner mon attention des inquiétudes que je viens de te manifester ?» Jean releva sa tête énergique, qu'une teinte de mélancolie avait envahie. « Je parle sérieusement. Ne t'est-il jamais arrivé de faire un rêve qui ait profondément frappé ton imagination ?»« Si. Mais est-ce donc un rêve qui a laissé chez toi le souvenir dont tu te prétends amoureux ?»« Du tout. C'est une bien douce, bien charmante et bien vivante réalité. Mais elle m'est apparue... si peu de temps, et il y a déjà de si longs jours, que c'est pour ainsi dire à l'état de songe qu'elle se représente à mon esprit. C'est singulier, fit le jeune Cornette. Pourquoi donc ne m'en as-tu jamais dit un mot ? Toujours pour la même raison, mon cher Julien. C'est que, comme tous les songes, il est irréalisable pour moi et que j'ai fait tous mes efforts pour l'oublier, sans y parvenir. Oui, j'ai beau faire, cette blonde apparition me poursuit toujours. Ah, c'est une blonde qui te tient au cœur. Eh bien, voyons, déboutonne-toi franchement. Où et quand l'as-tu rencontrée ? Qui est-elle ? À quel point en sont vos amours ? Oh, pas si vite ! Interrompit Jean avec un sourire. Je ne sais pas le premier mot de tout ce que tu me demandes. Allons donc, toi, vif argent, c'est impossible, fit le jeune Cornette avec incrédulité. C'est pourtant la vérité, dit Jean. Du reste, tu vas tout savoir. Mais ne t'imagine pas d'avance que j'ai été le héros d'une aventure intéressante et romanesque, non. C'est de l'incident le plus prosaïque, le plus vulgaire, que cette rencontre ait le résultat, et quand je te l'aurai raconté, tu seras assurément étonné qu'elle ait produit sur moi une si vive impression. Va toujours, nous verrons ensuite. C'était l'année dernière, au commencement de septembre, il y a 8 mois environ. J'habitais à Versailles, avec mon père, la maison d'été qu'il y possède, et j'errais distraitement dans le parc, fort désœuvré, promenant mon ennui autour du bassin de Neptune. La matinée avait été splendide. Un soleil ruisselant l'avait éclairé et nous promettait une de ces brûlantes journées, telles que l'arrière-saison nous en réserve quelquefois. Aussi étais-je vêtu légèrement d'un habit de soie mauve, brodé d'argent, d'un gilet de satin blanc et chaussé de bas de soie de la même couleur. À quelques pas derrière moi m'attendaient ma chaise et mes porteurs. Tout alla d'abord à merveille, quoique le soleil devint de plus en plus chaud. Puis, tout à coup, le ciel s'obscurcit, des blancheurs floconneuses en ternirent l'azur, suivies aussitôt de nuages menaçants. Le vent se mit à souffler en tempête, soulevant des flots de poussière, brisant comme verre les branches des arbres centenaires et faisant voltiger au loin le tourbillon de feuilles qui l'emportait dans son irrésistible fureur. C'était un orage qui se déchaînait au moment où le parc était bondé de promeneurs. Tout le monde le comprit et chercha son salut dans la fuite. Mais à peine avions-nous fait quelques pas, et avant que j'aie pu moi-même remonter dans ma chaise, les nuées se fondirent en un déluge d'eau, la pluie s'abattit furieusement en gouttes larges comme des écus de 6 livres. Ce fut un sauve-qui-peut général, d'autant plus désastreux que le tonnerre se mit à gronder avec un fracas épouvantable, par coups si nombreux, si fréquents et si rapprochés, qu'on aurait cru vraiment assister au feu roulant de 20 batteries à la fois. Pour ma part, je riais méchamment de cette débandade homérique, car je venais de regagner ma chaise et me préparais à y monter, quand j'aperçus, à 10 pas de moi, blottis sous un énorme marronnier, 2 femmes, pâles de terreur, tremblant de tous leurs membres, étroitement serrées l'une contre l'autre. Évidemment, la peur les avait clouées à leur place. Elles n'avaient pas eu la force de fuir. Je les regardais attentivement. L'une avait dépassé la 40aine, l'autre avait 18 ans à peine, la mère et la fille, probablement. Cependant, la mère avait des cheveux d'un noir de jais, à peine rayés de quelques fils d'argent, et portait une toilette sombre, tandis que la fille, blonde comme ces champs de blé que dore le soleil de juillet, avait un teint de lait, une fraîcheur exquise, et était vêtue d'une robe de soie rose. Dans son corsage rebondi était emprisonnée une taille souple et fine comme un roseau, dont son attitude abandonnée me permettait d'admirer l'élégance. Monter dans ma chaise et laisser là ces 2 malheureuses me parut d'un monstrueux égoïsme. Je m'approchai d'elles, et me découvrant avec le plus profond respect, je les priai de vouloir bien accepter ma chaise afin d'échapper au déluge qui les menaçait. En effet, les torrents de pluie que le ciel nous faisait tomber sur la tête avaient traversé déjà le marronnier sur lequel elles avaient cherché un abri. La mère refusa d'abord mes offres de service. Je lui fis observer avec une insistance persuasive qu'il était doublement imprudent de rester là, que, vêtue comme elle l'était, non seulement elle s'exposait à une fluxion de poitrine, mais encore que la foudre pouvait les tuer sur place. Néanmoins, elle refusait encore quand un coup de tonnerre, plus effrayant encore que le premier, éclata sur nos têtes avec un crépitement formidable. La mère tressaillit de la tête aux pieds et saisit dans ses bras comme pour la protéger ma pauvre petite blonde qui n'avait pu cette fois réprimer un cri de terreur. Je profitai de cet instant critique. Je fis signe à mes porteurs d'avancer et bon gré mal gré, je poussai les 2 infortunés dans ma chaise dont je fermais la portière. « Mais vous, monsieur, » me fit observer la mère. Je la rassurai du geste et donnai l'ordre à mes porteurs de se mettre en marche. « Soit, mais seulement jusqu'au château. » me cria la mère en s'éloignant. Je répondis par un signe d'assentiment. Les porteurs se dirigèrent vers le château, pendant que, sous la pluie battante, je suivais à la portière, tenant de mon mieux tête à l'orage, mais faisant très probablement assez triste figure dans la situation pitoyable où je me trouvais. « Tu comprends, en effet, » dit Jean, sur les lèvres de qui ce souvenir appela un sourire, qu'au bout de 3 minutes, cette averse diluvienne m'avait traversé de part en part. Tu vois alors d'ici la mine que je devais avoir avec mon habit de soie mauve ruisselant, mes bas de soie blancs et mes souliers couverts de boue, mes dentelles pantelantes et mon visage de noyé. Ce fut ainsi pourtant que nous arrivâmes au château, sur les marges duquel je déposais ces dames, si honteux moi-même de l'état où cette averse m'avait mis, que j'avais la pensée de les planter là en route et de me dérober à leurs remerciements. Mais je voulais revoir une dernière fois ma jolie blonde, je n'eus pas le courage de m'esquiver. En mettant pied à terre, la mère me remercia en des termes qui, réellement, m'allèrent droit au cœur. Évidemment, elle avait pitié de moi, et se reprochait d'avoir accepté ma chaise à la vue des loques sans nom qui me pendaient le long du corps. Quant à la jeune fille, elle me considérait avec une sorte de consternation, les mains croisées, positivement navrées, comme si elle ne pouvait pas croire qu'en si peu de temps l'élégant cavalier qu'elle avait vu fût devenu l'objet informe et ridiculement crotté en présence de qui elle se retrouvait. Je balbutiai gauchement quelques mots pour répondre à ces témoignages de reconnaissance, puis je m'inclinai cérémonieusement, je me réfugiai dans ma chaise et je rentrai chez moi, transi jusqu'aux os. Je fis flamber un bon feu, j'avalai un grand verre de vin chaud, je changeai de vêtements. Un quart d'heure après, il n'y paraissait plus. « Et ces dames, qu'étaient-elles devenues ?» demanda le jeune cornette. « Je n'en sais rien, » répondit Jean. « Sans doute elles n'habitaient pas Versailles et n'y étaient venues que par hasard, car je ne les y ai plus rencontrées. Du moins, tu connais leur nom. Je ne connais rien du tout. À leur langage, à leur tenue, à leur costume, je suis certain qu'elles appartiennent à l'aristocratie, et voilà précisément ce qui m'a cassé bras et jambes, ce qui fait que je ne t'ai jamais parlé de cette aventure. Pourquoi ?» fit Julien, surpris. « Ah, te voilà encore avec tes éternels pourquoi ?» répliqua Jean. « Comment ? Tu ne le devines pas ?»« Oui, pendant les premiers jours qui ont suivi cette rencontre, je me suis mis à la recherche de cette angélique vision. Les regards attendris qu'elle jetait sur moi au moment où je l'avais quittée m'étaient entrés dans le cœur comme la lame d'un poignard. À tout prix, je voulais savoir qui elle était, contempler au moins une dernière fois ce ravissant visage. Fort heureusement pour moi, je ne l'ai pas pu. Alors je suis rentré en moi-même, j'ai recouvré ma raison et j'ai renoncé à cette poursuite inutile. Je me suis dit que les filles de gentilhomme ne sont pas faites pour Jean Michaud, que Jean Michaud ne devait pas se faire illusion, que Jean Michaud devait oublier. « Et Jean Michaud n'en a pas eu le courage, » interrompit Julien. « Non, » répondit Jean avec une sorte de colère. « Quelque volonté que j'ai déployée pour bannir de ma pensée cette gracieuse apparition. » Le démon du désir et de la tentation ne m'a laissé aucun repos. Le jour, la nuit, les yeux ouverts ou fermés, je la revois sans cesse avec sa figure candide, son teint blanc comme le lait, ses joues roses, ses beaux yeux noirs, tout grands ouverts sur moi, luisant comme des diamants sous la broussaille de cheveux blonds qui couronnent son front d'une auréole d'or. Et toujours, tombe sur mon cœur et s'y enfonce davantage, ce regard chargé de tendre pitié, qui me remercie avec une si naïve éloquence du peu que j'avais fait pour elle. « Mais alors quoi ?» demanda le jeune officier avec intérêt. « Vas-tu te désespérer éternellement ? N'essaieras-tu pas de retrouver la belle inconnue ?»« Peut-être aurais-je cette faiblesse, » répondit Jean. « Mais où veux-tu que je la retrouve ? Ne t'ai-je pas dit qu'il s'est écoulé près de 7 mois depuis le jour où elle m'est apparue ? Ne suis-je pas à peu près certain qu'elle n'habite pas Versailles ? Dès lors, de quel côté diriger mes recherches ?»« Assurément, ce n'est pas facile. » Cependant, pour aller se promener ainsi dans le parc de Versailles, fit observer Julien, il est fort probable que ces dames n'en demeurent pas à une très grande distance. Pourquoi ? Ne peuvent-elles pas être venues de la province à Paris, pour un motif ou pour un autre, y avoir eu la curiosité bien naturelle de visiter Versailles ? Certainement. Mais avec le flair qui te caractérise, et ta grande habitude de la vie parisienne, comment n'auras-tu pas deviné de provinciales rien qu'à leurs costumes et à leurs allures ? Objecta le jeune cornette. « C'est vrai, confessa vif Argent. Donc, poursuivit Julien, j'en conclus que si ces dames n'habitent pas Versailles, elles n'en sont pas très éloignées, qu'elles sont peut-être à Paris, à 2 pas de toi, et que, dans tous les cas, elles vivent dans un rayon qui ne dépasse pas de 10 lieues les environs de la capitale. Oui, tu dois avoir raison, dit Jean pensif. Cependant, puisque le hasard ne m'a pas permis de les revoir, je ne commettrai sûrement pas l'inutile folie de battre Paris et ses environs, dans le but énigmatique de poursuivre cette chimère. Et même, reprit-il avec découragement, ne vaut-il pas mieux qu'il en soit ainsi pour mon repos ? Mais non, mille fois non, répliqua le jeune officier. Tu as beau t'appeler Jean Michaud, tu es le fils d'un homme qui a plus de 500 000 livres de revenus, et de notre temps on ne laisse pas coucher à la porte un homme qui a une pareille fortune en perspective. Allons donc, dit vif argent avec un haussement des épaules. J'espère bien qu'on trouvera encore des orgueils qu'une semblable considération ne saurait fléchir. C'est possible, mais ce n'est pas à toi de le souhaiter, mon cher ami. D'ailleurs, s'il n'y avait que ton nom pour faire obstacle à tes désirs, rien ne me paraîtrait plus facile que de le briser. Tu es un protecteur puissant. Il est avec la chancellerie des accommodements auxquels il ne serait pas déshonorant pour toi de recourir. Mais dont tout le monde ferait gorge chaude, sans que j'aie le droit de m'en fâcher, fit observer Jean. Par exemple, serais-tu donc le premier à qui le roi conférerait un titre de noblesse, ou qui l'autoriserait, en le mariant, à porter le nom de celle qu'il épouse ? Non, je le sais fort bien, mais que veux-tu ? C'est plus fort que moi. Il me répugnerait d'employer de pareils expédients. Alors, mon pauvre Jean, dit le jeune cornette à bout d'arguments, tu fermes donc dès à présent toute carrière à tes ambitions. Tu vas donc rester perpétuellement l'homme inutile et ennuyé que tu sembles vouloir personnifier. Permets-moi de te le dire. Ce n'est pas pour vivre dans un égoïsme si étroit que tu es venu au monde. Tu te dois à ton pays, à tes semblables, et tu te dois d'autant plus que ta fortune est entre tes mains un levier dont Archimède se serait peut-être contenté. Eh bien, répondit Jean avec indolence, ne suis-je pas destiné à m'en servir de ce levier tout-puissant ? N'est-ce pas vers la finance que me poussent à la fois mon père et le cardinal Fleury ? Soit, je me laisse conduire. Et puisqu'on m'a fait entendre que d'un Michaud ne pouvait guère faire autre chose qu'un financier, je serai financier. Et pourquoi pas ? Autant ce métier-là qu'un autre. Mais alors prends le taureau par les cornes, attelle-toi franchement à la besogne. Et qui te dit que je ne m'y attelle pas ? Moi, qui te connais et qui t'aime, et qui suis désolé de te voir plonger dans cet anéantissement. Crois-tu donc que j'ignore que tu ne mets pas les pieds au ministère, que ton stage de financier est encore dans les nimbres de l'avenir ? Ne vois-je pas que tu n'as pas pour les chiffres plus de goût que je n'en ai pour la robe de Capucin ? Oui, c'est la vérité, avoua Jean, dont les yeux se ranimèrent, et je te remercie de faire preuve envers moi d'une si chaude amitié. Eh bien, toi qui lis si clairement au fond de mon cœur, parle. Que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu réagisses contre la somnolence déshonorante qui t'envahit. Je veux que tu te casses la tête à aligner des chiffres, ou que tu te la fasses casser au service de la patrie, si le métier de financier ne te plaît décidément pas. Mais je veux que tu fasses quelque chose. Soit, dit Jean, qui lui serra la main. Pour mériter ton amitié, je suis capable de tout. Tu me le promets. Je te le jure. Ainsi, c'est bien vrai, tu seras quelqu'un. Ah, vienne l'occasion de te le prouver, s'écria Jean avec force, et tu verras. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, la main dans la main, se regardant au fond des yeux, comme pour se prouver qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. À la bonne heure, je te retrouve, dit enfin le jeune officier. Te revoilà le vif argent que j'ai connu jadis. Maintenant, réfléchis à ce que tu veux faire, mais ne tarde pas trop, crois-moi. Pour le mal dont tu es atteint, les résolutions les plus promptes sont les meilleures. Sois tranquille, promis Jean. Dès aujourd'hui, je vais m'en expliquer avec mon père, car s'il faut, comme tu le dis, que j'ai la tête cassée par quelque chose, j'aime mieux que ce soit par une balle que par des chiffres. Ma foi, je l'aimerais mieux aussi, fit gaiement Julien. Moi, je vais surveiller de près les agissements de Dubois, et si, comme je le crains fort, il médite quelque mauvais coup, je tâcherai de le parer par une riposte énergique. Et je tiendrai, s'il est nécessaire, ajouta vif argent. J'y compte bien, dit le jeune cornette. Il lui serra la main et s'éloigna. Jean resta seul. Il se promenait avec agitation dans le boudoir et songeait sans doute à la conversation qu'il venait d'avoir avec le comte de Montbazin, car il s'arrêta brusquement. Au fait, il a raison, murmura-t-il. Je ne puis vivre dans cette inaction qui me pèse, toujours aux prises avec ce souvenir qui me poursuit. À ces mots, il frappa sur un timbre. Veuillez vous informer si mon père est sorti, demanda-t-il au laquais qui venait d'entrer. Monsieur Michaud n'a pas quitté l'hôtel, j'en suis certain, répondit le valet. Il se promenait encore dans le jardin il y a 10 minutes. Alors, priez-le de bien vouloir m'attendre. Je serai chez lui dans un instant. Le laquais s'inclina respectueusement et disparut.